Chapitre 8. Je crois bien que Catherine avait considéré d'abord comme une fantaisie toute passagère mon désir d'être initiée aux travaux de la parfaite fermière. Mais au bout de peu de temps, quand elle me vit persévérer, elle dut convenir que c'était sérieux et s'ébahit de me voir réussir fort bien toutes ces besognes qui lui semblaient incompatibles avec ma situation de demoiselle. « C'est que vous faites déjà mieux qu'Angélina, mademoiselle Gillette. Est-ce croyable en un mois? Et ça ne vous ennuie pas ?»« Mais pas du tout. Cela m'intéresse au contraire. »« Quel malheur qu'Angélina n'ait pas ces idées-là. Elle ne parle que d'aller à la ville et elle n'a plus de goût à rien ici. » Je dis doucement, « Pourquoi l'avez-vous laissé prendre ces manières et cette tenue qui ne sont pas celles de son milieu ?» Elle se trouve naturellement dépaysée parmi vous et dédaigne ses besognes qu'elle juge trop dures. Elle en est arrivée à se croire supérieure à vous, à mépriser ce travail de la terre qui fut celui de tous ses aïeux. C'est bien malheureux pour elle et pour vous, ma bonne Catherine. Oui, on l'a élevée trop doucement. On ne sait plus être sévère, que voulez-vous? Bien sûr que nous avons eu tort. Je le dis quelquefois au père quand il a envie de se fâcher contre elle. Ce n'est pas de sa faute, puisque nous l'avons laissé faire. Et, au fond, elle n'est pas mauvaise, vous savez, mademoiselle. Mais c'est jeune, ça ne réfléchit pas. » Angélina profitait largement de la faiblesse maternelle. Le matin, elle descendait tard, mal peignée, habillée à la diable, les pieds dans des savates tachées. Après un simulacre de travail, elle remontait, arrangeait ses cheveux, coupait selon les derniers préceptes de la mode, se poudrait le visage, mettait une robe fort écourtée, de couleur voyante, un tablier multicolore, des chaussures élégantes. Après quoi, elle daignait reparaître dans la salle, à moins qu'il lui plût de rester à lire, près de sa fenêtre, quelques mauvais feuilletons, tel celui dont le titre m'avait frappé les yeux quand je l'avais trouvé dans un coin de sa chambre. Cependant, sa mère commençait à se fatiguer. Parfois, elle disait en secouant la tête « Et ça se sent que je n'ai plus 20 ans !» Mais elle était courageuse à l'ouvrage et se plaignait rarement. Sous sa direction, je m'initiais aux différentes besognes ménagères. Je l'aidais à soigner la basse-cour, à barater le beurre, à préparer les repas. Elle m'apprenait aussi à repasser. Et, un après-midi où elle avait dû se rendre au village, elle me laissa seule dans la salle, avec mes fers et une bonne pile de linge, tandis qu'Angélina se prélassait dans sa chambre. Les manches relevées, un tablier blanc devant moi, je travaillais avec entrain. À l'autre extrémité de la salle, la porte ouverte laissait entrer l'air vif de cet après-midi de février qui tempérait la chaleur répandue par le fourneau. Du dehors venait parfois le bruit d'un roulement de charrette, d'un gloussement de poule. Puis un pas résonna sur le sol durci de la cour. Je pensais « Ce doit être Bardôme qui rentre ou son fils ». Je levai la tête et mon bras s'immobilisa, tenant le fer en l'air. Dans l'embrasure de la porte se dressait une haute silhouette d'homme et je reconnus au premier coup d'œil Monsieur de Trézonne. Je sentis que je devenais très rouge sottement. Lui s'arrêta un instant, puis il fit quelques pas en soulevant son chapeau. « Pardon, mademoiselle, pourriez-vous me dire si Bardôme est là ?»« Non, monsieur, il est parti pour Bressuire dès ce matin. » « C'est regrettable. J'avais à lui demander un renseignement. Serais-je indiscret en vous priant de lui dire qu'il vienne me parler demain dans la matinée ?»« Pas du tout. Je lui ferai la commission dès son retour. »« Je vous en remercie. » Il eut un mouvement pour prendre congé. Puis, se ravisant, il demanda du même ton de froide courtoisie « Je crois avoir l'honneur de m'adresser à mademoiselle Darbier. » « En effet, monsieur. » Je restais toujours avec mon fer en l'air et je me sentais ridiculement intimidée. Pour la première fois, je voyais de près le châtelain de la Bottellerie. J'ignorais jusqu'ici la puissance dominatrice de ce regard qui s'attachait sur moi et me gênait fort. Un regard très beau, vraiment, auquel manquait le charme d'un peu de douceur. Monsieur de Trézonne poursuivit. Bardôme vous a peut-être parlé, mademoiselle, du désir que je lui avais exprimé, naguère, d'acquérir un pré faisant suite à ceux qui m'appartiennent le long de la rivière. Il m'en a dit un mot, mais nous n'en avons plus reparlé depuis lors. Seriez-vous opposé à cette vente ? Oh, pas du tout, mais je suis encore très inexpérimenté sur ce terrain-là et m'en rapporterai au jugement de Bardôme. C'est donc à lui qu'il faut vous adresser, si vous voulez bien, monsieur. En effet, pour la question pécuniaire à débattre. Mais avant de lui en parler, je voulais m'assurer que vous étiez consentante à ce projet, car avec nos paysans, toujours prêts à financer, je tiens à aller droit au but. Une porte s'ouvrit à ce moment au fond de la salle et Angélina parut. Elle fit un salut prétentieux auquel M. de Trézonne répondit par un sec mouvement de tête. Avec un regard à la fois trop humble et trop appuyé, ma sœur de lait demanda « Monsieur le vicomte, cherche-t-il quelqu'un de chez nous ?» Il dit brièvement « Oui, votre père, mais mademoiselle me dit qu'il est absent. Je l'attends demain au château. » Et se tournant vers moi, il ajouta « Nous parlerons en même temps de votre prêt, mademoiselle, et j'espère que nous nous entendrons. »« Je laisse faire aussi, monsieur. » Il s'inclina avec une courtoisie un peu hautaine qui semblait lui être fort habituelle. Je rencontrai encore l'éclair dominateur de son regard. Puis il sortit, reconduit jusqu'à la porte par Angélina, humble et empressée comme je ne l'avais jamais vue. Un peu ahuri encore de l'incident, j'allai reporter mon fer sur le fourneau et en pris un autre. Comme je me détournais, je me trouvai en face de ma sœur de lait. La lueur mauvaise de son regard me frappa. Je remarquai aussi qu'elle était rouge et un peu agitée. Elle dit d'un ton aigre doux « Vous auriez dû m'appeler pour répondre à M. de Trézonne, mademoiselle Gillette. Ce n'était pas votre affaire. » Je repartis prestement. « Si vous vous étiez trouvée ici à votre place, Angélina, M. de Trézonne ne se serait pas adressé à moi et j'en aurais été enchantée, car, ainsi que vous le dites, ce n'était pas du tout mon affaire. » Là-dessus, j'essuyai le fer et le passai sur le tablier étendu devant moi. Angélina ricana. « On dirait que vous êtes à la tâche. En voilà un plaisir de s'éreinter comme ça. C'est en effet un plaisir pour moi d'épargner un peu de fatigue à ma bonne Catherine. Mais je vous crois malheureusement incapable de comprendre cela, Angélina. » Elle leva les épaules. « Je ne veux pas m'esquinter, moi. Il me faut quelque chose de doux. » « Qui ne risque pas de vous abîmer les mains, » dis-je d'un ton moqueur. Un regard noir m'enveloppa. « Bien sûr que je ne veux pas les abîmer. Si elles ne sont pas aussi petites que les vôtres, elles peuvent être aussi blanches. Voyez. » Elle étendait des doigts larges, blanchis, parfumés par une eau de beauté. Ses bras, que découvraient jusqu'à l'épaule les manches courtes, gonflèrent leurs muscles forts sous la peau brunie. Elle les approcha de mes bras fins, d'un blanc de nacre, de mes mains effilées aux attaches délicates. Puis elle les retira aussitôt. L'éclair de triomphe qui venait de passer dans son regard s'éteignit et elle se recula en serrant ses lèvres. Je dis, d'un ton de reproche tranquille, « On n'a pas le droit d'avoir les mains trop blanches, Angélina, quand celles de sa mère se sont usées et déformées au travail. Et je vous assure que ce n'est pas du tout une condition de bonheur. » Elle s'éloigna sans mot dire, mais je venais de comprendre qu'elle me jalousait et me détestait. J'avais appris aussi que cette fille, sottement vaniteuse, très infatuée de sa personne, qui jugeait trop peu de choses pour elle la compagnie des autres filles du village, savait se montrer fort empressée à l'égard des puissants de ce monde. Ces découvertes n'étaient pas pour me donner une opinion plus favorable d'Angélina, et je songeais avec ennui, ce soir-là, que notre mutuelle antipathie pourrait devenir quelque jour une cause de conflit.